Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'assassinat du juge Falcone. Ils sont rares, les héros authentiques. Par définition, ils sont rares. Alors rendons hommage à l'un d'entre eux, Giovanni Falcone, juge italien anti-mafia, qui, comme certains de ses collègues, a payé de sa vie sa lutte contre Cosa Nostra et ses révélations sur les liens prouvés, réels, que l'organisation mafieuse entretenait avec le pouvoir politique italien. C'est ainsi que le 23 mai 1992, sa vie s'est arrêtée le plus brutalement du monde dans l'explosion de sa voiture sur l'autoroute entre Palerme et l'aéroport qui porte son nom, ainsi que celui de son collègue courageux comme lui, le juge Borsellino. Giovanni Falcone est un homme d'exception. Notre invité aujourd'hui, Marcel Padovani, journaliste au Nouvel Obs et auteur d'un livre d'entretien avec Giovanni Falcone. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, voix Giovanni Falcone, Philippe Pirard. Réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, David Federman, Raphaël Rousseau. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les passagers du vol Air Charter à destination de Palerme sont invités à se rendre en salle de départ numéro 45. L'Italie ce matin est atterrée. Une tonne d'explosifs dissimulés dans la chaussée a sauté au passage de la voiture blindée du magistrat sur la route de l'aéroport de Palerme. Tout a commencé de la mort de Giovanni Falcone, le juge. Alors, qui a tué le magistrat? La mafia, sans doute, mais pas forcément que la mafia. La pieuvre, comme on l'appelle. On hésite à assurer que l'État italien va enfin prendre les moyens de répondre à cet acte de guerre. C'est une véritable guerre. Encore une fois, Palerme est précipité dans les ténèbres. Quel lien entretenait Cosa Nostra avec le pouvoir politique? La mafia vient d'infliger un revers terrible à l'État. Qui est Giovanni Falcone? Avant tout, un magistrat atypique. Issu de la bourgeoisie traditionnaliste, Giovanni Falcone est né à Palerme en 1939 d'un père austère, fonctionnaire provincial, et d'une mère qui, en bonne catholique, l'élève dans la foi. Il a d'ailleurs longtemps été enfant de cœur. Cette éducation corsetée par la religion et la rigueur n'est sans doute pas étrangère au développement de ses centres d'intérêt et de ses réflexions. Il aime à se référer à la maxime de Mazzini, l'un des pères de l'unité italienne, pour qui la vie est une mission, le devoir et sa loi suprême. Il aurait d'ailleurs pu en faire sa devise. Il hésite un temps entre l'école navale et la médecine avant d'intégrer la faculté de droit, où il réussit brillamment. Devenu juge, Falcone n'a qu'une idée, lutter contre le crime organisé, contre la mafia. Il est nommé à Palerme et là commence son combat. Mais en Sicile, la pieuvre, c'est ainsi qu'on appelle la mafia, est omniprésente. C'est une panthère aussi, agile, féroce, dotée d'une mémoire d'éléphant. Elle n'oublie rien, la mafia. Le juge Falcone, elle le sait, mais aucune menace ne peut le détourner de sa mission. Pour Cosa Nostra, c'est l'homme à battre, il sait trop de choses. Il est le premier à déchiffrer les modes de fonctionnement, les valeurs et les codes de l'organisation mafieuse. Aujourd'hui, derrière les bombes qui ont ensanglanté la Sicile en 1992 et broyé le juge Falcone, et de nouvelles révélations suggèrent des complicités haut placées. L'accusé, c'est bien sûr Cosa Nostra, mais derrière se cacherait un mandataire d'État, comme si une mise en scène occulte avait guidé la main assassine de la mafia. Si les massacres ont toujours des zones d'ombre, l'hypothèse évoquée est glaçante. Et pourtant, elle vient du procureur antimafia Piero Grasso, qui dit que Cosa Nostra n'était pas la seule à avoir intérêt à éliminer le juge Giovanni Falcone. Revenons au début de notre histoire. Cette toute dernière information qui me parvient à l'instant même, le juge anti-mafia Giovanni Falcone a été très grièvement blessé dans un attentat commis cet après-midi, en fin d'après-midi, sur l'autoroute près de Palerme. Le juge, dont la voiture a été projetée par une explosion hors de la chaussée, est hospitalisé en ce moment même à Palerme dans un état très grave. Le 23 mai 1992, le journal de 19h de France Inter s'ouvre donc sur cette annonce fracassante. Le juge Falcone vient d'être assassiné. Giovanni Falcone, cet homme qui a fait trembler la mafia, déranger les structures sociales et qui a ébranlé la classe politique italienne, vient de tomber au champ d'honneur. Qui est-il donc ? Je fais partie de cette catégorie de gens qui estiment que chaque action doit être portée à son terme. Je ne me suis jamais demandé si je devais affronter ou non tel problème, mais comment l'affronter. En 1964, Giovanni Falcone entre dans la magistrature comme substitut du procureur à Trapani, une ville de l'ouest sicilien. Il est habité par ses convictions, son idéal de justice, il le dit lui-même. Je ne suis pas un Robin des Bois, je ne suis pas un kamikaze, pas davantage un trappiste. Simplement un serviteur de l'État en terre infidèle. L'Italie ce matin est atterrée, alors que les institutions sont en pleine crise, sans président de la République et avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes, la mafia vient d'infliger un revers terrible à l'État. Giovanni Falcone symbolisait aux yeux des Italiens la probité et la volonté de lutter contre une organisation infiltrée à tous les niveaux de l'économie et parfois de la politique. Michele Greco, l'un des parrains les plus importants qu'il a lui-même inculpé et fait juger, l'avait surnommé le Maradona de la magistrature. Pourtant, le juge Falcone, après des années de travail à la tête du pool anti-mafia, avait été promu au ministère de la Justice à Rome. On estimait qu'il s'y trouverait moins en danger. Mais il le savait, il le disait, il avait un compte débiteur avec la mafia que seule sa mort pourrait solder. On peut s'interroger sur la violence et l'audace de l'attentat qui a coûté la vie au juge Falcone. Un acte à la hauteur, sans doute, de l'obstacle que représente le magistrat pour le réseau mafieux constitué. Car c'est un homme inflexible, mu par des exigences éthiques irréductibles. D'ailleurs, il s'oriente très vite vers le pénal où son pragmatisme, sa puissance de travail et son habileté lui valent des succès spectaculaires. Dans son engagement, ses origines siciliennes constituent son meilleur atout. Elles lui confèrent une connaissance interne, quasi viscérale, des comportements et du mode opératoire de ses adversaires. J'en suis arrivé à l'État et à cette constatation que la mafia se nourrit de l'État et adapte son comportement au sien. En tant que produit de la sicilitude, la mafia, comme les Siciliens, se sent blessée par la négligence et les erreurs de l'État envers l'île. Et plus l'État se désintéressera de la Sicile et les institutions feront marche arrière, plus l'organisation étendra son pouvoir. Persona de respeto, d'onore et d'omertà, levate vos cappello, qu'appartiene la società. Opiniâtre et rigoureux, il s'érige en défenseur du droit. Il connaît les multiples ramifications de la mafia, jeux, immobilier, construction, production agricole, contrebande, trafic d'armes et de drogue. Il mène des enquêtes fiscales et bancaires sur les membres de Cosa Nostra. Conscient du danger qu'elles lui font courir, il n'en poursuit pas moins sa lutte contre le grand banditisme. Écoutons Jean-Michel Cordier, ancien journaliste de l'Humanité, évoquer son ami Falcone. Je pense d'abord à l'homme, qui était un homme d'une très grande civilité, d'une très grande gentillesse, d'un humanisme profond. C'était un Sicilien, un palermitain. Et c'est d'abord le premier sentiment. Le second sentiment, c'est que c'est un coup fantastique qui est porté contre le droit, c'est un juste qui vient d'être assassiné. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que il a été exécuté par la mafia à un moment où il avait été en quelque sorte lâché par les autorités de son pays et contraint finalement de quitter sa charge. C'est un homme qui manifestement savait un certain nombre de choses et savait que des personnalités très importantes en Italie, en Europe et dans le monde ont noué des liens notamment financiers avec la mafia et en particulier l'argent de la drogue. Un juste qui, au fil de sa carrière et de son engagement, a développé une connaissance exceptionnelle du monde contre lequel il se bat, quasiment un initié. Son île, la Sicile, est atteinte de ce mal endémique et fatal qu'est Cosa Nostra, qui suscite la peur, impose l'omerta, la loi du silence, et laisse sur son passage les cadavres des gêneurs, le juge et les assassins. Nommé au tribunal de Palerme en 1978, Falcone s'intéresse dès l'année suivante à la mafia. C'est lors de recherches dans des dossiers financiers qu'il en découvre la nature et l'ampleur. En 1978, pour lutter précisément contre Cosa Nostra, Pepino Impastato se porte candidat à la mairie de Palerme sur la liste Democrazia Proletaria, une liste d'extrême gauche. Il est assassiné durant sa campagne électorale. En 1979, le juge Cesare Terranova est assassiné après avoir en vain tenté de faire condamner certains dirigeants mafieux. Ce crime incite Falcone à intégrer le pool anti-mafia, une cellule judiciaire dirigée par le juge Rocco Chinnici, composée de quelques juges engagés dans le combat contre la mafia. En 1980, Falcone est jugé et nommé juge à Palerme, en pleine guerre, oui. La guerre générée par les luttes de pouvoir entre les familles mafieuses de Palerme et celles de Corleone. La Sicile se transforme en Far West. Le général des Carabiniers dalla Chiesa, un leader de la lutte antiterroriste, est dépêché par le gouvernement italien pour mettre un terme aux violences. Il le paiera de sa vie. Giovanni Falcone aussi, il le sait, et pourtant, il continue sa lutte. Bien sûr que je sais que je suis menacé. Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. D'ailleurs, en juin 89, j'ai été l'objet d'une tentative d'attentat très sérieuse. Ils avaient déposé 58 bâtons de dynamite sous la villa que j'avais louée. Mais attention, le fait que les mafiosi soient des criminels ne doit pas nous conduire à les mépriser, ce serait une erreur. À part le respect qu'on doit avoir pour tout être humain, on doit savoir aussi qu'ils ne sont pas très différents de nous. Pio La Torre, un député communiste qui avait fait voter la loi anti-mafia, est assassiné en avril 82, juste avant la mise en œuvre d'une seconde commission anti-mafia. Puis en septembre de la même année, c'est au tour du général Dalla Chiesa de disparaître. Il est abattu avec son épouse dans un guet-apens. Dans la mire des enquêteurs, le clan des Corleone, dont Totorina est le parrain. Retenez ce nom, Totorina. Comme Falcone s'investit particulièrement dans l'enquête, on lui affecte un bureau bunker au sein du palais de justice, ainsi qu'une série de bureaux, afin qu'il ne puisse être repéré par d'éventuels assassins. Son intervention contre les actions de la mafia va alors culminer pour aboutir au maxi-procès de 1986. C'est avec son ami et collègue, le juge Paolo Borsellino, qu'il ouvre donc, en 1986, ce premier grand procès. C'est un événement considérable. Sur le banc des accusés, il y a 474 mafieux inculpés pour des crimes allant de l'extorsion de fonds au trafic de drogue, en passant bien sûr par le meurtre. Parmi eux, Totorina lui-même. France Inter. Le général Dalla Chiesa, un homme à poigne, était décidé à combattre la mafia en découvrant notamment toutes ses ramifications dans le monde des affaires et de la politique. Il l'a payé de sa vie. Son fils, Nando Dalla Chiesa, a expliqué à notre envoyé spécial à Palerme ce qu'il attendait de ce procès qui s'ouvre demain. Secondo me, un punto di svolta importante c'è stato proprio dopo l'assassinio di mio padre. Selon moi, l'assassinat de mon père a marqué un tournant important. Après des hauts et des bas, je peux dire que le climat général vis-à-vis de la mafia a fondamentalement changé. Mais ici, en Italie, il y a quand même des graves responsabilités au niveau gouvernemental. Les personnes liées à la mafia, les mafiosi, ce sont des hommes qui vivent tranquillement dans les villes et ont des contacts publics avec le pouvoir politique, quand ce ne sont pas eux-mêmes des hommes publics. Je ne suis pas scandalisé, donc, quand on accuse toute la société italienne. Je ne fais pas, d'ailleurs, la distinction entre les Italiens qui luttent contre la mafia et ceux qui s'arrangent du côté de la mafia. Ottima la vita, a 16 anni chiama l'onorata, facci addestrare in tala rota, regola sua e sti lingua muta. Ottima la vita, stati attento, non sai quanto gusta lo sgarrari, cercami donna arredo sin da tempo, da mala vita non ti invicinari, si invicina un giovane d'onore, mi disse giovanotta chi cercati, io ci risposi cerco sangue onori, e tu mi disse sangue onore abiti. Poi splendiva in talo cielo, vestita una luna li contava, la rubra intorno a me sembrava un velo, lo cucco sopra l'arbore cantava. Fu a portare cinque cristiani, da un giardino in rosi e di giuri, dopo lo giuramento che panfari, mi batti a rubo sangue d'onore. E tutto quanto mi stringi la mano, passavano di mia uno a uno. Quando sto giro fu avventuato, non bacio ricevia tu Sergio Capo. La guerre entre les clans palermitans et corleonais a causé de gros dégâts, laissant certains de leurs membres isolés, donc affaiblis. Ce sont ces individus-là qui vont briser l'omerta et devenir les repentis, personnages clés de toute l'action de Falcone. Parmi eux, Tommaso Buscetta, un mafieux rencontré lors de ses opérations américaines, dont il parvient à obtenir des renseignements cruciaux. Il n'hésite pas à se rendre jusqu'au Brésil pour convaincre Buscetta de collaborer. C'est grâce à lui que Falcone parviendra à donner un coup de pied dans la fourmilière et à envoyer tout ce joli monde derrière les barreaux. Le procès s'achève magistralement en novembre 1987 par la condamnation de 342 des accusés, cumulant 2665 années de prison. Mais il faut s'imaginer ce que représente l'action d'un repenti. Lorsqu'il entre dans la salle d'audience, devant les accusés, ses anciens congénères, il est le traître, celui qui a commis le crime d'honneur, celui qui a vendu l'organisation à la police. Alors dans le box des accusés, on lui lance des regards de tueur. Et puis dans le public, il y a ces femmes de famille mafieuse qui hurlent hystériques contre le repenti, proférant des menaces de mort. L'ambiance dans le prétoire sent le meurtre programmé, elle diffuse une indicible atmosphère de violence. D'ailleurs, un jour où Falcone a demandé à Buscetta une liste des hommes politiques impliqués dans la mafia, il se serait entendu répondre « Je ne sais pas lequel de nous deux mourra le premier, mais si je réponds, je finirai à l'asile psychiatrique et vous, vous cesserez d'être magistrat. » Propos prémonitoire, car il dérange Falcone, et pas seulement Cosa Nostra, non. Les politiques aussi le trouvent bien encombrant avec sa probité et son intransigeance en bandoulière. Il va devoir vivre en permanence sous protection policière. De trois à six carabiniers constituent sa garde rapprochée. D'ailleurs, il est bien conscient du danger lié à ses entreprises. Il a raison d'avoir peur, Giovanni Falcone. Pour Antonio Caponnetto, magistrat et créateur du pool anti-mafia de Palerme, le juge Falcone a commencé à mourir en 1988. On meurt généralement parce qu'on est seul ou parce qu'on est rentré dans un jeu trop grand. On meurt souvent parce qu'on ne dispose pas des alliances nécessaires, parce qu'on est privé de soutien. En Sicile, la mafia frappe les serviteurs de l'État que l'État ne parvient pas à protéger. Persona de respeto, d'onore e d'omertà, levate vos cappellos, qu'appartiene à la società. Sa candidature au poste de chef de bureau d'instruction du tribunal de Palerme est rejetée au profit de son adversaire Antonio Melli, opposé au pool anti-mafia et proche de la retraite. C'est un camouflet. Cette nomination est aussi un signe envoyé à la mafia. Comme pour confirmer son interprétation, étrange coïncidence, c'est ce moment-là que choisit Cosa Nostra pour adresser à la préfecture de police une photo de Falcone barrée de deux dates. 1939, date de naissance, et 1988, date officielle de sa mise à l'écart. On ne lui attribue désormais que des enquêtes sur des braquages. Il s'agit donc bien d'un lâchage officiel, d'une mise au placard. Le 13 mars 1991, Falcone est nommé directeur des affaires pénales au ministère de la Justice, à Rome. Il va y créer une structure de centralisation des informations pour la lutte anti-mafia, inspirée des cellules américaines. À Palerme, les activités de la mafia repartent de plus belle. Pendant les mois qui suivent la clôture du procès, une série de meurtres se produit. Ainsi, sont abattus à deux jours d'intervalle le policier Natale Mondo et l'ancien maire de Palerme, Giuseppe Insalacco, qui est venu s'épancher dans son bureau à propos des pizzi ou des dîmes prélevées par les mafiosi sur les travaux publics, des extorsions de fonds, si vous préférez. Il connaît également le policier Mondo, infiltré dans la mafia et partisan d'une lutte offensive contre la pieuvre. Dans Dans les années 80, la collusion entre l'État et la mafia est évidente, puisque les actions engagées contre elles ne sont soutenues par aucune mesure de protection des personnes concernées, que les lois visant à battre en brèche l'honorable société ne sont pas appliquées. C'est un message que la mafia, mais pas seulement la mafia, a voulu lancer à tous les pays. Et encore, je ne suis pas sorti de la pression que j'ai, de la souffrance que j'éprouve, parce que lui donnait à tout, surtout aux jeunes, l'espoir que l'État italien, malgré tout, pouvait réussir à gagner la lutte contre la mafia. Moi, je n'ai plus d'espoir à partir de ce soir. C'est un climat général qui est inacceptable maintenant. On ne peut plus rester comme ça, parce que sinon, c'est fini. L'État ne protège pas ses fonctionnaires et n'applique pas ses lois, pas plus qu'il ne protège les repentis et leurs proches. La loi Piolatore, par exemple, autorisant la douane à enquêter sur l'origine des patrimoines et des enrichissements douteux, ainsi qu'à geler les biens mafieux, eh bien cette loi aura une durée de vie de 3 ans. La mafia est inhérente à la société sicilienne, même les enfants s'en mêlent. Tout a commencé quand... Et de la mort de Giovanni Falcone. Tout a commencé de la mort de Giovanni Falcone, le juge. Et un peu de citoyens de Palerme se sont réveillés. Une partie de des citoyens de Palerme, ils se sont réveillés. Et quindi. Et non vogliono subire tutti. Non vogliono subire tutti i trattamenti della mafia. Ils ne veulent pas subir la méchanceté de la mafia. Tutti noi. Nous, les citoyens. Oui, personne ne veut la supporter, mais tout le monde a peur. Cosa Nostra, omniprésente et omnipotente. Avant mai 1992, on avait déjà tenté d'assassiner Falcone, c'était en 1989. Mais dès le 26 juillet 1988, un indicateur avait alerté les commissaires anti-mafia qu'un attentat était prévu et que, grâce à des méthodes nouvelles de télécommande, on allait faire sauter Falcone. Ainsi, le 21 juin 1989, rompant avec ses précautions habituelles, Giovanni Falcone se rend près de Palerme, à la Daora, en bord de mer, pour une baignade. Un policier embusqué sur le toit remarque un sac vert sur la plage. À l'intérieur, 58 bâtons de dynamite équipés d'une mise à feu télécommandée. Au large, dans une barque, un homme muni d'un détonateur. Une attente vaine, puisque finalement, modifiant son planning à la dernière minute, Falcone ne vient pas. Mais il sait qu'il est en sursis. Pour la mafia, le temps n'a aucune importance. Elle témoigne d'une infinie patience pour atteindre la cible qu'elle a décidé de frapper. Ils n'hésiteront pas à me tuer, même s'ils doivent provoquer un massacre. Ils n'hésitent pas, en effet. Ce sera ce jour fatal de mai 1992 où tout volera en éclats, sa vie, celle de son épouse et celle de ses gardes. Dans une sorte d'apocalypse, les deux voitures qui constituaient le convoi explosent dans un fracas épouvantable. Et la vague d'attentats va se poursuivre encore un an, jusqu'à ce que le nombre de détenus soumis au 41 bis, c'est-à-dire à un régime de haute sécurité carcérale, chute de 1400 à 200. La pieuvre a obtenu gain de cause, une décision prise en toute indépendance et en absolue solitude, dit Giovanni Conso, le ministre de la Justice de l'époque. Aldo Rizzo, maire de Palerme, lui répond. Encore une fois, Palerme est précipitée dans les ténèbres. Rome doit prendre ses responsabilités, le gouvernement central, mais pas seulement lui, parce que c'est un combat qui concerne de près la démocratie. Toute la société civile italienne doit se sentir engagée. Palerme a connu ces derniers temps de grandes manifestations de solidarité. C'est un point positif à remarquer. Maintenant, il faut passer de la solidarité à l'action. Ceci doit impliquer tous les rouages de la société italienne. Pendant ce temps, l'enquête suit son cours et les hypothèses les plus farfelues circulent. On va jusqu'à imaginer qu'une bombe a été lancée d'un avion sur la voiture de Falcone. Il faut dire que les dégâts sont considérables et à la hauteur d'un acte de guerre. Les moyens mis en œuvre au kilomètre 22 de l'autoroute qui relie l'aéroport de Palerme dépassent l'entendement. La tonne d'explosifs qui extermine Falcone et sa suite, c'est-à-dire 5 personnes, il a fallu la transporter, l'installer, la manipuler, posséder une certaine connaissance technique pour les différents réglages, puissance, mise à feu, timing. En outre, Falcone voyage dans un avion des services nationaux équivalent à notre GLAM. connaître avec précision le jour et l'heure du vol, l'heure de passage de la voiture, tout cela incite à penser à l'intervention de gens renseignés, oui, très bien renseignés, une taupe sans doute. Alors on cherche des indices et on les trouve. 80 mégots de cigarettes aideront-ils les enquêteurs à découvrir les assassins du juge Falcone, de son épouse et de son escorte? Pour le moment, ils ont servi à découvrir l'empreinte génétique de l'un des assassins, celui qui avait fumé 4 paquets de Merit Filtre en attendant sur une colline voisine le passage du juge et de son escorte pour déclencher la bombe. Les spécialistes du FBI et de la police scientifique italienne ont réussi à prélever de la salive restée collée sur les mégots et à déterminer le code génétique. Et à un autre élément, une voix, celle qu'a entendue une habitante de Catane en surprenant une conversation téléphonique le jeudi précédant l'attentat. « Il arrive vendredi avec sa femme, on va le faire sauter après le deuxième pont », disait cette voix. En effet, le juge avait prévu en un premier temps de partir vendredi. Et apparemment, la mafia le savait déjà. On interroge également des suspects. L'enquête, toujours menée dans le plus grand secret par une centaine de spécialistes, dont beaucoup appartiennent à la police scientifique, commence à donner des résultats. Les 6 portraits robots des premiers suspects seront dans tous les quotidiens demain matin. 6 hommes dont la silhouette, le visage, la corpulence ont été décrits par des dizaines de témoins qui ne se connaissaient pas. La précision des signalements est étonnante. Les enquêteurs sont parvenus à définir l'âge des suspects à quelques années près, leur taille, leur poids, leurs signes particuliers, le modèle des voitures que certains ont utilisées et les divers itinéraires qu'ils ont empruntés. On sait cependant qu'au moins une douzaine d'hommes ont été impliqués dans l'opération et les recherches, toujours avec l'aide du FBI, se poursuivent. Et maintenant, la mafia va s'attaquer au second magistrat qui siégeait au maxi-procès de 1986, responsable lui aussi de son démantèlement. En juillet 1992, soit 2 mois après le meurtre de Falcone, c'est au tour du procureur Paolo Borsellino d'être abattu. Ami intime de Falcone et avec qui il forme un binôme d'une efficacité redoutable, lui aussi s'était fait de nombreux ennemis. La pieuvre, comme on l'appelle, a une nouvelle fois frappé hier en tuant 2 mois après le juge Falcone un autre grand magistrat engagé dans la lutte anti-mafia. Le juge Borsellino avait 54 ans. Hier, alors qu'il arrivait à Palerme, au domicile de sa mère, une voiture piégée a explosé sur son passage. Là aussi, souvenez-vous, le juge Falcone avait péri ainsi. L'explosion d'une extrême violence n'a laissé aucune chance au juge, ainsi qu'à 5 de ses accompagnateurs. Quelle va être maintenant la réaction des autres juges? Peur ou au contraire plus grande détermination à combattre la mafia? Écoutez la réponse d'Aldo Rizzo, le maire de Palerme, interrogé par Valeria Emmanuel. Les magistrats de Palerme, et pas seulement ceux de Palerme, savent bien qu'ils risquent leur vie. Les techniques offensives qui sont utilisées contre eux sont celles de faire sauter carrément des morceaux d'autoroute ou de route. Ce sont des techniques devant lesquelles n'importe quel système de défense risque d'être inopérant. Donc, les magistrats ont pleine conscience de cette situation. Mais en tant que citoyens italiens et grands démocrates respectueux de leurs devoirs, ils continuent à accomplir parfaitement leur mission. Quel est l'élément déclencheur de ce meurtre ? Le parquet de Caltanissetta affirme en 1992 que le magistrat s'oppose à la négociation en cours entre Cosa Nostra et l'État. Il constitue donc un obstacle dont il faut se débarrasser. Mais quel était l'enjeu de cette négociation? Repose la question. Après le maxi-procès de 1986, instruit par les juges Falcone et Borsellino, des centaines de mafiosi sont soumis à l'article 41 bis, la prison de haute sécurité. Menée par le parrain Totorina, la mafia entreprend alors une vaste campagne d'attentats visant à contraindre les pouvoirs publics de mettre un terme, ou mieux encore, d'annuler cette disposition carcérale. Borsellino va être l'une des victimes puisqu'il rejette absolument tout accord, tout compromis avec cette organisation d'assassins. Lorsqu'elle apprend ce veto du juge le 19 juillet 1992, la mafia envoie une Fiat remplie d'explosifs sur le juge Borsellino et son escorte. L'enquête révèle bientôt de nombreux points d'ombre. Une ténébreuse affaire, car dans le garage qui abritait la Fiat, de nombreux repentis ont signalé la présence d'un individu étranger à la mafia. Qui est-il? De plus, le carnet de rendez-vous du juge a disparu. Étrange. 2 ans d'enquête, et s'ouvre le procès des assassins du juge Falcone. Au banc des accusés, la mafia, bien sûr. Ces premières audiences marquent le début de la saison des grands procès en Sicile dans les prochaines semaines. Les assassins de l'autre juge antimafia, Paolo Borsellino, ainsi que ceux du député européen Salvo Lima, se retrouveront à leur tour dans le box des accusés. On attend également un possible renvoi devant les tribunaux de l'ancien président du Conseil, Giulio Andreotti, soupçonné de collusion avec la mafia. Autant d'affaires qui permettront sans doute de porter de nouveaux coups à la criminalité organisée et peut-être surtout de découvrir enfin quel lien entretenait Cosa Nostra avec le pouvoir politique. D'onore d'omerta. Une enquête minutieuse menée grâce aux révélations de nombreux repentis comme Santo Di Matteo, l'homme qui fit les Falcone, va conduire les enquêteurs sur la piste des exécutants de l'attentat. Mais tous ne sont pas arrêtés. Bernardo Provenzano, Leo Luca Bagarella, le beau-frère de Rina et sept autres inculpés sont encore en fuite. Toto Rina et Santa Paola sont considérés comme les commanditaires, certes. Mais la justice est certaine de n'avoir arrêté qu'une partie des personnes impliquées, la partie émergée de l'iceberg. Alors une seconde instruction est lancée pour retrouver d'autres commanditaires extérieurs à l'honorable société. Les indices pointent vers le monde politique et vers celui des affaires. On soupçonne aussi les services secrets d'être impliqués dans les attentats. Finalement, seul Toto Rina, le parrain, sera accusé et condamné pour les deux meurtres en 2002. Selon Attilio Bolzoni, journaliste à La Repubblica qui a beaucoup enquêté sur le sujet, il existerait bel et bien des complicités haut placées au sein de l'appareil d'État. Et aujourd'hui en Italie, ils sont nombreux à le penser et ils le disent. Il n'y aura pas la volonté politique de détruire la mafia. Ils font tous des beaux discours. Mais pourquoi les gens aujourd'hui ont sifflé tous les hommes politiques qui étaient là? Parce que c'est depuis 30 ans qu'ils font seulement des discours. Il y a les morts qui s'accumulent, il y a les policiers, les carabinieri, les juges qui meurent. Et ils parlent, ils vont alle funérailles. À dire quoi? À dire de l'hypocrisie, à ne faire rien, parce qu'ils sont complices de la mafia. C'est une complicité. Parfois, la mafia est autonome et indépendante. Oui, elle est indépendante du pouvoir politique, la mafia. Mais parfois, ils se servent du pouvoir politique, comme le pouvoir politique se sert de la mafia. Il y a des mafieux qui ont fait élire des hommes politiques, même en prison. On sait donc maintenant que le chef mafieux Toto Rina n'est pas le seul impliqué. Il semble finalement que Cosa Nostra n'était qu'un instrument, le bras armé d'un autre pouvoir. Cette hypothèse s'appuie sur la répression massive menée par l'État italien après les deux assassinats. Tout se passe comme si le véritable commanditaire avait voulu faire place nette une fois son forfait commis. Ce procès peut enfin se tenir après 3 années d'enquête depuis l'assassinat de Giovanni Falcone au mois de mai 1992. La justice italienne le tient, son procès contre la mafia, et il se déroule en Sicile. Je crois qu'il s'agit du procès le plus grand du siècle, parce que le personnage Giovanni Falcone représente pour l'Italie non seulement un juge qui a été tué par la mafia, mais il représente la volonté de lutter et de vaincre la mafia. C'est sur ces mots de Liliana Ferraro de la direction des affaires pénales au ministère de la Justice que prend fin notre histoire. Fin d'une histoire héroïque et portrait d'un pays finalement. L'Italie et son côté lumineux, son côté Falcone et son côté courage. L'Italie et son côté sombre, la mafia. Une histoire en noir et blanc, noir comme Toto Rina, chef mafieux sanguinaire, lâche, psychopathe, on l'appelait la bête. Il était même fier de revendiquer plusieurs centaines de meurtres de ses propres mains. C'est la lie de l'humanité. En face, un juge qui pousse son idéal de justice jusqu'au sacrifice. Oui, il y a quelque chose de sacrificiel dans cette histoire. Dans l'histoire du juge Falcone, dont l'aéroport de Palerme porte le nom ainsi que le nom de son adjoint Borsellino. Un hommage juste, comme l'étaient ces deux hommes. Soltanto tutto rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei sentirti dire guarda. che mare e guarda che luna. Affaire sensible, l'assassinat des juges Falcone et notre invité Marcel Padovani, journaliste au Nouvel Observateur, auteur donc de cette interview historique de Giovanni Falcone. Bonjour. Bonjour. C'était en 1991, cette interview. 1991, oui, pendant quelques mois après qu'il ait été nommé directeur des affaires pénales. Mmh. Il n'avait pas de bureau à Rome et il avait du temps libre. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu quand même l'idée, ce serait le moment de faire des conversations sur la mafia, puisque... tu as du temps libre et voilà, nous bon. Les avons faites et j'ai écrit le livre pendant à l'été 1991. Alors on parle de Falcone sans l'avoir rencontré, pour ce qui nous concerne, vous l'avez rencontré, oui. quel souvenir vous en gardez de l'homme ? Mais c'était quelqu'un qui ne se sentait pas un héros, qui ne se vivait pas comme un héros, comme qui se vivait d'ailleurs. Comme un homme normal, oui. qui aimait beaucoup la vie, qui aimait beaucoup rire, manger, boire, il buvait beaucoup, il adorait aller au cinéma, il adorait marcher dans la rue, par exemple à Rome, où il se sentait tranquille, il allait très volontiers faire des balades dans les rues, même sans escorte. Et c'est quelqu'un qui était simplement, enfin je crois... un serviteur de l'État, il avait une certaine idée de l'État, et quand je lui demandais par exemple, mais l'État, qu'est-ce que c'est ? Il peut y avoir des États qui ne sont pas défendables. Il dit l'État, il m'a répondu, l'État quel qu'il soit, même s'il est imparfait, doit être défendu. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment une conception rigoureuse de l'État, il respectait l'État, et il connaissait très bien la mafia. Il savait que la mafia... est une fille de l'État, mais non pas parce que l'État lui donne des ordres, mais parce que quand il y a des carences de l'État, il faut bien que quelqu'un supplée. Et à ce moment-là, naissent les mafias. Quand il y a de la corruption, il faut bien que quelqu'un vienne pour vous donner des avantages et qu'il ne soit... Alors, c'est là que naît la mafia. Alors, voilà, moi, j'ai trouvé que votre reportage était... excellent. J'ai trouvé que c'était vivant, dynamique, c'était très très bien documenté, c'était extrêmement agréable à écouter. Mais je pense qu'on pourrait avoir l'impression, à la fin, qu'on aurait envie de dire « la mafia a gagné ». Et ce n'est pas vrai. Allez-y, développez. C'est intéressant parce qu'elle n'a pas gagné, la mafia. La mafia n'a pas gagné. Mm-hmm. Patrick, je vais vous expliquer pourquoi elle n'a pas gagné. Tout le Gotha de Cosa Nostra est en prison. Ouais. Tout. Il n'y a plus qu'un seul chef en cavale qui s'appelle Matteo Messina Denaro, sur lequel je vais faire un papier la semaine prochaine. Et ce Matteo Messina Denaro, c'est le dernier. Tout le Gotha est en prison. Bon, depuis le 15 janvier 1993, jour de l'arrestation de Toto Riina, qui était le chef de la mafia, ils n'ont pas été capables de se réunir pour lui élire un successeur. Actuellement, le chef de la mafia est encore Toto Riina, qui est en prison ferme sous le 41 bis, c'est-à-dire qu'il a extrêmement peu de contacts, même avec sa famille. La mafia n'a pas gagné non plus, parce qu'il y a aujourd'hui la meilleure des législations anti-mafia. La répression a extrêmement bien fonctionné en Italie. Ce qui n'a pas fonctionné, Patrick, c'est comment dire, la volonté politique de faire un modèle alternatif à la mafia. Parce que la mafia offre comment dire, des modèles gagnants. Elle offre du travail, elle offre des facilités dans l'administration, elle offre beaucoup, beaucoup de choses que l'État n'offre pas. Oui, c'est ce que vous disiez, elle vient pallier le manquement de l'État. Oui. C'est terrible. Alors, la mafia, il y a la meilleure des législations anti-mafia. Alors, Piero Grasso, le procureur que vous citiez tout à l'heure, il dit aussi, nous avons inventé le poison, c'est-à-dire la mafia, mais aussi le contre-poison. Et moi, je me souviens d'une séance du Parlement européen à Strasbourg où a été votée à l'unanimité la recommandation aux pays européens d'adopter la législation anti-mafia italienne pour vous dire à quel point elle est arrivée à un niveau de perfection remarquable. Marcel Padovani, si vous me dites qu'effectivement ce combat judiciaire contre la mafia Cosa Nostra a été gagné, mais ça nous fait extrêmement plaisir que ce grand pays, que ce grand pays qu'est l'Italie, qu'on aime tant, puisse fonctionner normalement. Alors, non, peut-être qu'effectivement, l'impression pouvait avoir été donnée que la mafia n'avait pas été décapitée, mais mettons les choses au point. Bien sûr que si. On est d'accord. Okay. En fait, nous sommes d'accord. En revanche, 'Ndrangheta, qui se trouve en Calabre, reste puissante, semble-t-il. Voilà. Et la Camorra, dans la région de Naples. Oui. Alors, il y a en gros quatre mafias. Cosa Nostra, bon, on la met entre parenthèses. Oui. Elle renaîtra peut-être. Bon, on la met entre parenthèses. La Sacra Corona Unica dans les Pouilles, elle a été à peu près éliminée. Mmh. Elle était très liée au trafic d'êtres humains avec l'Albanie, vous savez, quand il y avait les débarquements. L'Ndrangheta est probablement la plus dangereuse actuellement, pour une raison extrêmement simple. C'est que là, la structure de l'organisation mafieuse se confond avec la structure de la famille, que chaque groupe mafieux est une famille. Alors quand on arrête un 'ndranghettiste calabrais, il n'ouvre pas la bouche. Ouais. Comment on fait pour lutter dans notamment ces la famille de San Luca, par exemple. Le village de San Luca, que vous avez très justement cité, c'est la capitale de la 'Ndrangheta. Et c'est un petit patelin. Si vous le voyez, vous mourrez. Mais je connais, Ah, vous le connaissez. C'est petit, bien sûr. C'est à mourir de rire. Bon. Oui, absolument. Ok. Bon. Alors, et puis il y a la Camorra à Naples, et la Camorra a pris des très sérieux coups. Celle que racontait Roberto Saviano dans Gomorra a été pratiquement décapitée. Ce qu'on appelle les Casalesi ont été pratiquement décapités. Et sur les murs de Naples, on peut encore voir Mafia Merda. Mafia Merda. Hein ? Qu'est-ce qui pousse ? On va revenir à Giovanni Falcone. Qu'est-ce qui le pousse à combattre Cosa Nostra ? Alors, vous avez répondu... pensait-il vraiment y arriver ? Parce que s'attaquer à la mafia, tout de même. Écoutez ce qu'il disait au micro de France Inter en octobre 1991. Ah, certo. Bien sûr que je le savais. Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. D'ailleurs, en juin 89, j'ai été l'objet d'une tentative d'attentat très sérieuse. Ils avaient déposé 58 bâtons de dynamite sous la villa que j'avais louée. Mais attention, le fait que les mafiosi soient des criminels ne doit pas nous conduire à les mépriser. À part le respect qu'on doit avoir pour tout être humain, en piochant, en creusant, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très différents de nous. Un commentaire. Il avait raison. Il avait parfaitement raison. Moi aussi, je lui ai demandé, les premières fois où je l'ai vu, je l'ai connu en 84, je lui demandais qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un mafiose. Il me dit, mais un mafiose, c'est quelqu'un comme vous et moi. C'est quelqu'un. Bon, il y a des bons mafioses, il y a des mauvais mafioses, des mafioses courageux, d'autres qui ne le sont pas, des mafioses gentils, d'autres qui ont mauvais caractère ou des choses comme ça. Donc, il a toujours essayé de considérer que la mafiosité, ce n'était pas une catégorie ontologique de personnes différentes. Et ça a été un extraordinaire moyen pour entrer dans leur mentalité. Pour se comporter correctement avec eux, ils se comportaient extrêmement correctement avec eux, ils ne les insultaient jamais, ils ne leur disaient jamais « cul », ce qu'on fait très facilement avec un criminel. Ils leur manifestaient beaucoup de respect, parce qu'ils savaient très bien que ce sont des hommes qui ont choisi le crime, mais qui ont une dignité. Qui ont une grande dignité. Ce sont des gens. Oui. Pas tous. Totorina, il n'a pas. C'est pas vraiment dit. Celui-là, c'est quand même. Totorina. Il est quand même. Non, il mérite son titre de la belve. La bête. La bête. Parce que Totorina, en plus, c'est un analphabète. C'est un demi-analphabète. C'est un violent, mais violent. C'est un dur, etc. Ceci dit, maintenant, il est là en tôle, complètement fermé. Il a 25 mètres carrés autour desquels il peut marcher pendant une heure. On l'enregistre pour tous ceux qui disent « c'est quand même pas une vie, hein, franchement ouais. ». Il a fini mal. C'est ce qu'on puisse dire. Alors, le point le plus sensible de toute cette affaire, c'est la collusion réelle ou supposée, apparemment réelle, entre l'État italien, je ne parle pas d'aujourd'hui, entre ce qu'a pu être l'État italien et la mafia, qui servait qui et pourquoi. C'était quoi ce lien ? Alors, la chose est assez compréhensible, c'est-à-dire, vous êtes en Sicile, vous êtes un candidat, vous voulez devenir député. Vous voulez devenir député, et comment on fait pour devenir député ? Il faut parler avec des gens, il faut avoir des intermédiaires, il faut avoir des gens qui appuient votre candidature. Si vous avez un parti politique, c'est bien, mais certaines fois, c'est même pas suffisant. Si vous avez des gens qui sont des chevilles ouvrières dans la société, qui sont respectées pour l'argent qu'ils font gagner ou pour le pouvoir qu'ils manifestent et qui sont avec vous. Ils vous feront élire. C'est ça le noyau de base du rapport entre la politique et la mafia. C'est pas l'État en tant que tel qui négocie, c'est pas les yakuza japonais, c'est pas l'État avec une autre entité qui est la mafia. Ça part de choses extrêmement simples. Et maintenant, ça peut partir encore d'autres choses. Quand vous êtes une entreprise en difficulté aujourd'hui, et il y en a beaucoup, vous avez du mal à avoir du crédit, vous risquez de fermer, etc. Il y a quelqu'un qui se présente, hein, qui est d'ailleurs une personne tout à fait honorable, un comptable, etc., et qui vous dit « moi je fais un prêt de 500 000 euros, ben vous et y allez. Si dans deux ans c'est pas remboursé, j'ai 51%. » Et c'est possible que vous acceptiez. Et donc c'est la mafia qui propose ça. Alors hein, c'est pas la mafia, c'est un mafio. Un mafio, d'accord. Et donc finalement la crise économique, finalement elle peut bénéficier à la mafia. C'est comment le mafio se peut devenir un problem solver. Bien, en 1992, on écoutait, c'est le concept de l'émission, on rappelle ce qu'on écoutait comme musique, notamment Radiohead, Creep. I don't belong here. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Marcel Padovani, est-ce que l'un des plus grands méfaits de la mafia, finalement, c'est pas d'avoir donné une mauvaise réputation de l'Italie aux yeux des étrangers? Bon, ça c'est possible, mais à la limite, on n'est pas là pour faire de la diplomatie au nom de l'Italie. Non. Mais quand en même, temps, oui, ah, d'accord. Ça fait partie de l'histoire. Hein. Ça fait partie, absolument. Non, mais en même temps, c'est vrai que ça accrédite l'idée de l'Italie comme pays laboratoire, un pays où on expérimente des choses du fait de la faiblesse de l'État, cet État qui n'a que 150 ans d'âge, comme on disait tout à l'heure, qui n'a que 150 ans d'âge. Et comment dire, ça, c'est un pays qui a si peu de structures que tout devient possible. Du fascisme, à la démocratie, au berlusconisme, oui. À la démocratie, au communisme à visage humain, à la mafia. Berlinguer, voilà. Et alors, c'est toujours intéressant, un pays qui permet que l'on expérimente quand même des solutions ou des problèmes. Oui, une vraie expérimentation politique, notamment le compromis historique qui n'a pas pu avoir lieu avec Aldo Moro et Berlinguer, notamment. Ça, c'est très expérimental, effectivement, d'un point de vue politique. Vous avez prononcé le mot de Berlusconi. Ses rapports avec le système mafieux, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est très probable que beaucoup d'argent de la fraction dialogante de Cosa Nostra, qui n'était pas celle de Totò Riina, mais celle de Stefano Bontate, qui a été assassiné par Totò Riina. Il est probable que l'argent de cette fraction est en grande partie transité dans les entreprises de Berlusconi. Bon. Marcella Padovani, j'invite nos lecteurs à lire Cosa Nostra, donc cette interview de Giovanni Falcone. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Les Napolitains, vous rendez hommage à Naples, cette ville fascinante de l'Italie. À Naples, là aussi, un endroit où, comment dire, toute la conscience du monde occidental est un peu concentrée avec la souffrance, la douleur, le meilleur et le pire. Voilà, Naples, c'est aussi la baie de Naples, c'est aussi Pompéi, c'est aussi la Côte Amalfitaine, c'est le balcon de Ravel au Positano à Amalfi. Vois que vous connaissez bien. Écoutez, on peut aussi encourager nos auditeurs à aller y faire un tour, ils y verront beaucoup de merveilles. Je vous remercie, Marcel Padovani. Au revoir. Merci. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, vie et mort du juge Falcone. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.